Josué chapitre 2. Or Josué, fils de Nun, avait envoyé de Sittim deux hommes, pour épier secrètement le pays, et il leur avait dit, « Allez, considérez le pays, et Jéricho. » Ils partirent donc, et vinrent dans la maison d'une femme paillarde, nommée Rab, et couchèrent là. Alors on dit au roi de Jéricho, « Voilà des hommes qui sont venus ici cette nuit de la part des enfants d'Israël pour reconnaître le pays. » Et le roi de Jéricho envoya vers Rab, en disant, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, et qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus pour reconnaître tout le pays. » Or la femme avait pris ces deux hommes, et les avait cachés, et elle dit, « Il est vrai que des hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et comme on fermait la porte sur le soir, ces hommes-là sont sortis. Je ne sais point où ces hommes sont allés, poursuivez-les bien vite, car vous les atteindrez. » Or elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés dans des chaînes vôtes de lin, qu'elle avait arrangées sur le toit. Et quelques gens les poursuivirent par le chemin du Jourdain jusqu'au passage, et on ferma la porte après que ceux qui les poursuivaient furent sortis. Or avant qu'ils se couchassent, elle monta vers eux sur le toit, et leur dit, « Je connais que l'Éternel vous a donné le pays, et que la terreur de votre nom nous a saisis, et que tous les habitants du pays, sont devenus lâches à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel, a tari les eaux de la mer Rouge de devant vous, quand vous sortiez du pays d'Égypte, et ce que vous ayez fait aux deux rois des Amoréens, qui étaient au-delà du Jourdain, à Sion et à O, que vous avez détruit à la façon de l'interdit. Nous l'avons entendu, et notre cœur s'est fondu, et depuis cela aucun homme n'a eu de courage, à cause de vous, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des cieux en haut, et de la terre en bas. Maintenant donc, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que puisque j'ai usé de gratuité envers vous, vous userez aussi de gratuité envers la maison de mon père, et que vous me donnerez des marques assurées, que vous sauverez la vie à mon père et à ma mère, à mes frères et à mes sœurs, et à tous ceux qui leur appartiennent, et que vous garantirez nos personnes de la mort. » Et ces hommes lui répondirent, « Nos personnes répondront pour vous jusqu'à la mort, pourvu que vous ne nous déceliez point en cette affaire, et quand l'Éternel nous aura donné le pays, nous userons envers toi de gratuité et de vérité. » Elle les fit donc descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était sur la muraille de la ville, et elle habitait sur la muraille de la ville. Et elle leur dit, « Allez à la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, et cachez-vous là trois jours jusqu'à ce que ceux qui vous poursuivent soient de retour, et après cela vous irez votre chemin. » Or ces hommes lui avaient dit, « Nous serons quittants cette manière-ci de ce serment que tu nous as fait faire, voici, quand nous entrerons au pays, tu liras ce cordon de fil d'écarlate à la fenêtre par laquelle tu nous auras fait descendre, et tu retireras chez toi, dans cette maison ton père et ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Et quiconque sortira hors de la porte de ta maison, son sang sera sur sa tête, et nous en serons quittes, mais quiconque sera avec toi, dans la maison, son sang sera sur notre tête, si quelqu'un met la main sur lui. Que si tu nous décèles en cette affaire, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Et elle répondit, « Que cela soit ainsi que vous l'avez dit. » Alors elle les laissa aller, et ils s'en allèrent, et elle lia le cordon de fil d'écarlate à la fenêtre. Et eux marchant arrivèrent à la montagne, et demeurèrent là trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent revenus, et ceux qui les poursuivaient cherchèrent dans tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent point. Ainsi ces deux hommes s'en retournèrent, et descendirent de la montagne, et passèrent, et vinrent à Josué, fils de Nun, et lui récitèrent toutes les choses qui leur étaient arrivées. Et ils dirent à Josué, « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays ont perdu courage à notre